laisse-moi te dire, s'il te plaît, retiens-moi. J'ai des blessures qui ne saignent pas. Oh bébé, j'suis incompris comme un fou qui dit qu'il est normal. C'est quand je demande que tu ne sais pas. Et ma vision n'est plus pareille. Mon semblant d'être heureux n'est que paraître. Comme je réponds moi aussi à tes je t'aime. Tu penses que ça va? Je vois un avenir que tu balayes. La monstre résume pas au pigeon appareil. Et tu demandais ce que je veux moi. Pour toi oui ça va. Sera sans mon prénom. Tu sais, ma confiance a renoncé. Je passe ma vie à te relancer. Pas dedans. Ouais, en vrai, toi t'es pas dedans. Quand tu fais bien, tu veux que l'annoncer. Tant seulement d'être récompensé. Et ma vision n'est plus pareille. Mon semblant d'être heureux n'est que paraître. Comme je réponds moi aussi à tes je t'aime. Tu penses que ça va? Je vois un avenir que tu balayes. La monstre est sur.